Eh bien, Bien, bonjour à bonjour à toutes, toutes, blogueuses blogueuses sur sur Monique Monique Park. Park. C'est C'est Tino, Tino, le le blogueur blogueur infernal, infernal qui est qui de est de retour, retour, comme comme vous vous avez avez sans sans doute doute pu pu le le remarquer. remarquer. J'espère que J'espère que vous vous allez allez toutes toutes très très bien. bien. Bah écoutez, Écoutez, voilà, voilà, ici ici tout tout se se passe passe bien, bien, comme comme vous vous avez avez pu pu vous vous en en rendre rendre compte compte sur sur mon mon blog blog ou ou sur sur ce ce blog-ci. blog-ci. Caroline Caroline va va très très bien, bien, Amélie Amélie aussi, aussi, voilà, voilà, on on est est un un petit petit peu peu dans dans les les préparatifs préparatifs pour pour le le baptême. baptême. Donc, Donc, c'est c'est pour pour ça ça qu'on qu'on n'a n'a pas pas trop trop eu eu l'occasion l'occasion de de surfer surfer de de ces ces temps-ci. temps-ci. En En plus, plus, j'ai j'ai une une connexion connexion un un peu peu minable, minable, donc donc voilà. voilà. Allez, Allez, j'espère j'espère que que tout tout le le monde monde va va bien. bien. Je Je vous vous fais fais de de gros gros bisous bisous et et à à la la prochaine, prochaine, hein. hein. Ciao. Ciao.